Ah, mes amis, j'ai pas eu le temps de vous parler de ma participation aux Jeux Olympiques d'Athènes. C'était juste après la cérémonie d'ouverture. J'étais tranquille en train de danser le sirtaki dans une étudiante en langue morte. Elle m'avait rendu visite pour compléter sa thèse sur les comportements pervers des civilisations dominatrices. Quand d'un seul coup, le téléphone sonne. Ah. Allô? Comment ça le comité français olympique d'athlétisme est inquiet du pauvre nombre de médailles que va rapporter la France? Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, moi? Quoi? Si j'accepte, j'ai le droit de me taper Christine Aron? J'arrive! Eh ben... Quel pays de merde! Il fait une de ces chaleurs ici! Si j'avais su, j'aurais emmené des vies avec moi. Ah, voilà un autochtone. Hé, hey, oh! Oh, Salakis! Oui, toi avec la couronne de camomille dans les cheveux. C'est où le site olympique? Là-bas? Je peux pas me tromper, il y a des drapeaux en l'air et des seringues par terre? Ok, merci, Extasis. Alors, délégation française. Où est-ce que c'est? Oh, j'ai entendu bruit par là. Avec une musique de salope comme ça, je dois être près de la délégation suédoise. Tiens, une jeune radasse qui vient vers moi. Salut toi, tu sais où elle est la délégation française? Non, moi pas savoir où française délégation. Ah, pourtant d'habitude, les chaudasses de ton pays et des pays froids comme ça, ça doit se renseigner pour se faire assouplir le short entre deux compètes. Moi pas besoin français, moi avoir boyfriend très chaud avec délégation tyrolienne. Passe! Délégation tyrolienne? Ah, que les couilles du Kaiser, ma somme! Elle est où cette délégation? Juste là, dans l'autre couloir, toi pas pouvoir tromper ton choix, porte avec une hache dedans. Une hache dans la porte? Tiens, mais ça me rappelle quelqu'un, ça. Oh, voilà la porte avec l'hache! Cette hache, cette musique, c'est quand même très familier. Bon, ben, je vais rentrer. Bonjour, je... Qu'est-ce que c'est? Ah, tout Jésus, Gunther, mais qu'est-ce que tu fous là? Le Tyrol. C'est toi le représentant de la délégation du Tyrol? Mais ils sont où les autres athlètes? Tout seul. Comment ça, t'es tout seul? Ils sont où les autres? Bouffés. Tu les as bouffés? Mais t'es cinglé ou quoi? Oui. Non, excuse-moi, j'avais oublié. Boire. Boire. Mais quelle bonne idée, mon cousin. Ah, Christophe, on s'est saoulé la gueule comme des Tadjiks avec mon Gunther. On a même été voir Christine Aron sur le stade d'entraînement pour faire la fête avec elle. D'ailleurs, je crois que ça s'est un peu vu le lendemain pour Christine pendant les qualifications du 100 mètres. Elle est tombée comme une merde, la pauvre. Bon, la France a pas brillé en athlétisme, mais moi je me suis bien marré et c'est ça qui compte. Comme disait Pierre de Coubertin, l'important n'est pas de gagner, mais d'être copieusement bourré. Allez, je me sauve. Auf Wiedersehen.